Éclat de lumière sur Fadjet. Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs de Fadjet. Je suis Victor du magazine culturel Lumière en Art et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Éclat de lumière qui se déroule cette fois-ci pour le mois de novembre 2025. Vous l'avez vous-même constaté, les jours sont en train de raccourcir progressivement et le froid s'installe doucement, la nuit s'empare de nos soirées. Il fait maintenant nuit vers 16h45-17h. C'est définitivement l'automne à Nancy, en Lorraine, mais aussi dans toute la France. L'équipe du magazine Lumière en Art est plus que jamais motivée pour vous proposer des recommandations culturelles aux jolies couleurs de l'automne qui réchauffent le cœur et les âmes. Avant toute chose, je tenais à vous remercier parce que vous nous avez réservé un accueil particulièrement chaleureux pour la nouvelle formule de l'émission, notamment avec donc cette émission d'octobre dernier qui portait donc sur le Nancy Jazz Pulsation. L'émission avec mon ami bibliothécaire Pierre et le président du NJP Yves Colombin a été donc largement écoutée, relayée sur les réseaux sociaux et par les auditeurs de Fadjet. Et je tiens à vous remercier pour cela. Je vous rappelle que vous pouvez désormais retrouver cette émission en podcast sur le site de Fadjet ainsi que toutes les autres dont celle-ci lors de sa diffusion. Et vous pouvez nous retrouver donc sur les différents réseaux sociaux, le site internet Lumière en Art, l'Instagram Lumière en Art et les deux pages Facebook du magazine qui sont Lumière en Art et Lumière en Art officiel. Je n'oublie pas évidemment de parler du TikTok que nous avons ouvert tout à fait récemment. Cette semaine, pour notre nouvelle émission de novembre, je suis tout d'abord je suis aux côtés d'un chroniqueur, à savoir notre président, Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Avec Gilles, nous allons, durant une heure, vous faire faire un tour du côté du théâtre, puisque cette émission de novembre va être consacrée à ce lieu parfois mystérieux où vous risquez une expérience parfois réelle, vivante, sensible, collective, ce lieu qui finalement transforme. Et je suis ravi de retrouver aujourd'hui Émilie du Théâtre de la Manufacture avec qui nous allons passer une heure. Bonjour Émilie. Bonjour. Ce très beau Théâtre de la Manufacture qui est un lieu majeur, et j'insiste sur ce mot majeur, de la vie culturelle nancéenne depuis des décennies maintenant. Ensemble, pendant une heure, nous allons donc revenir sur la programmation de cet acte 9, donc, qui va s'achever en ce mois de décembre, mais pour lequel il reste un certain nombre de spectacles à découvrir ensemble. Mais nous allons surtout et revenir sur cet acte numéro 10 avec un programme riche en émotions et qui promet, vous allez le voir, de ne pas toujours rigoler. Vous allez comprendre de quoi je parle un petit peu plus tard dans cette émission. Pour commencer, vous en avez maintenant l'habitude, nous allons commencer par donc notre petit premier rendez-vous, c'est-à-dire le spectre des invités qui vous permet à vous, chers auditeurs, de vous familiariser avec la personne avec qui nous sommes pendant une heure. C'est l'heure donc du spectre des invités. Pour cette première partie, nous allons donc commencer simplement par une petite présentation. Alors très simplement, nom, prénom, Émilie. Donc mon nom c'est Rossignol, mon prénom Émilie. Quelle est ta profession ? Alors je suis directrice du développement des publics au Théâtre de la Manufacture. Pour le préciser, le développement des publics, pardon, c'est un service au théâtre qui regroupe le pôle communication, billetterie et relations avec le public. Alors, moi, je suis toujours un petit peu curieux. Comment est-ce que tu en es venu à devenir un petit peu directeur des publics? Alors, peut-être pas tout l'historique, mais comment on en arrive à devenir justement comme ça directeur de cette catégorie à la manufacture? Alors, moi, il faut savoir que je connais cette maison depuis longtemps maintenant, parce que je suis arrivée en 2011, donc ça commence à faire. J'étais jeune alors, avec une petite expérience professionnelle parce que j'ai été diplômée en 2010. Et en fait, au fur et à mesure des années et des saisons, j'ai accompagné le projet du lieu, précédemment avec un autre directeur, à différents postes également, mais toujours en lien avec les publics. C'est vraiment moi ce qui m'anime depuis toujours, depuis le départ. C'est le contact humain et faire en sorte d'accueillir le plus humblement, mais le mieux, les personnes qui traversent notre théâtre. Et en 2021, la direction a changé. C'est Julia Vidi, qui est toujours la directrice actuelle du CDN. Oui, on va en reparler un petit peu plus tard. Hein. Voilà. Et ça a correspondu pour moi aussi à un changement de poste, puisque toute l'équipe a été restructurée pour accompagner le projet qu'elle avait posé avec sa directrice adjointe pour le lieu. Ok, et donc c'était le premier emploi, c'est-à-dire rien avant, ça a toujours été la manufacture Alors j'ai eu des expériences professionnelles avant, mais de courte durée, donc soit en remplacement, soit en CDD, pas à Nancy, à Bruxelles, au Hall de Skarbek, qui est un centre culturel européen. Ok. Et puis avant, à Lyon, au Théâtre de la Croix-Rousse, quand je sortais de mes études. Voilà. Une personne ou un élément d'inspiration du quotidien? Elle n'est pas facile, celle-là. Elle n'est vraiment pas facile, cette question. Elle n'est vraiment pas facile, cette question. Surtout pour ne pas donner une réponse trop cucu-gnan-gnan. je crois sincèrement, il se trouve que je suis maman depuis 5 ans maintenant, et je pense qu'avant de répondre à cette question, je ne m'étais jamais vu la chose sous cet angle-là, mais je crois que le fait d'être maman, et donc mon fils, est une source d'inspiration, puisque voilà, quand on accompagne quelqu'un, quand on essaie de l'éduquer au mieux et en tout cas d'être présente, on est sans cesse en train de se remettre en question et d'essayer d'adopter ce qui pourrait être la bonne attitude. Et je crois qu'en fait, c'est très inspirant au quotidien. Et assez challengeant, on peut aussi le dire. Je pense, Gilles, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est la plus belle réponse qu'on ait eue depuis qu'on pose la question. Magnifique. Dans l'émission. Hein. Ouais, écoutez, ouais. Merci, messieurs. Ouais. Je le rappellerai à mon fils quand il sera en pleine crise d'ado. Ouais, c'est clair, je transférerai le lien de l'émission et puis on pourra lui envoyer comme ça. Et alors, donc, comme on fait évidemment la promotion du théâtre de la manufacture pendant une heure en parlant un petit peu de cette programmation sur laquelle on va revenir dans la deuxième partie de l'émission, où est-ce qu'on peut vous retrouver, la manufacture, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur le site, peut-être aussi la billetterie, je ne sais pas. Alors, Exactement, un peu tout ce que tu viens de dire, Victor, sur les réseaux Insta, Facebook, LinkedIn et depuis quelques mois maintenant sur Mastodon. Okay. Site internet, bien sûr, www.théâtre-manufacture.fr. Et en billetterie, tous les jours de 13h, de 13h30 à 18h. Que vous veniez ou non d'ailleurs chercher un billet de spectacle ou venir voir un spectacle, c'est un lieu qui est ouvert. Donc c'est possible de venir travailler, de bénéficier du wifi, d'aller aux toilettes si besoin. Enfin voilà, ça reste on a quand même une mission de service public. Alors il se trouve qu'on est juste à côté de la médiathèque qui est vraiment un de nos partenaires premiers, qui offre aussi ces services-là sur des horaires d'ouverture, une amplitude plus grande. Mais voilà, faut le savoir qu'il ne faut pas hésiter à. Ouais, c'est un espace privilégié, très très bien situé au cœur de Nancy, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore. Exact. Et puis c'est là où on va trouver du calme et de quoi travailler. J'ai beaucoup d'amis qui vont là-bas pour travailler régulièrement, donc ça me parle. On va lancer un premier morceau. Si j'ai un conseil à vous donner, chers auditeurs de Fadjet, c'est de prendre un petit calepin ou le programme de la manufacture à proximité, parce que dans la deuxième partie de l'émission, on va un petit peu comme ça décortiquer la fin de cet acte 9 et de cet acte 10. Donc n'hésitez pas, surlignez, crayonnez, listez les spectacles que vous avez envie d'aller voir, et puis rendez-vous alors dans la billetterie en réel ou alors sur le site internet. Pour la playlist de ce mois-ci, on a posé un petit peu la question à la manufacture de savoir quel morceau ils avaient envie qu'on passe dans Éclat de Lumière. Et il se trouve qu'on a découvert à cette occasion qu'il y a une playlist sur cet acte 9. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Exactement. Alors du coup, s'il y a des bons élèves parmi les auditeurs et auditrices qui ont déjà ouvert leur brochure, au milieu de la brochure, en fait, il y a quelques pages qui s'appellent la récréation. Et donc on retrouve des conseils de lecture, de jeux de société, de films et de morceaux ou d'artistes par les artistes qu'on va accueillir cette saison. Et donc il y a en effet la playlist avec un morceau à chaque fois sélectionné par le ou la metteur en scène à qui on a posé la question. Ça permettra de se mettre un petit peu, d'avoir un avant-goût de l'esprit de la metteuse ou du metteur en scène. Le premier morceau, donc, il s'appelle, I Put a Spell on You. On se retrouve dans 2 minutes sur Fadjet Radio pour discuter de la programmation de la manufacture. À tout de suite. I put a spell on you. Your mind. should do. Sur Fadjet, c'est l'émission Éclat de lumière du mois de novembre. Et pendant une heure, nous sommes donc avec Émilie de la Manufacture pour discuter un petit peu comme ça de la programmation de ce fameux acte 9 et de ce fameux acte 10. Et pour commencer justement donc un petit peu cette discussion, j'aimerais que l'on revienne sur tout simplement les titres de ces actes. Cet acte 9 et cet acte 10 qui s'intitule donc « Ici on rigole, acte 9 oui. », puis « Ici on ne rigole pas ». Alors pourquoi choisir de rire puis de ne plus rire? Pourquoi cette dualité, tout simplement? Alors, je dois dire, Victor, que tu fais partie des personnes à qui on a fait un pied de nez. Ah. Et qui le prennent au pied de la lettre. Mais bon, c'était vraiment un peu le calembour. À la base, il faut savoir que ça part vraiment d'une volonté de communication. Ok. Puisque jusqu'à présent, sur les 4 dernières années, on avait un support décliné par acte. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, les actes, grosso modo, c'est les semestres, même s'il y a des fois on a fait des petites entorses, un peu pour reprendre le jargon théâtral, voilà, comme souvent dans les pièces plutôt classiques, les scènes sont divisées par actes. Et il se trouve que là, en effet, nous sommes en plein acte 9, c'est le 9e acte depuis la nomination de Julia Vidi en 2021. Et donc, jusqu'à présent, on avait une brochure par acte. Et bon, évidemment, écologie et économie aussi obligent. Également parce qu'on a eu des retours de notre public dont on a tenu compte. On est revenu à une brochure unique, ce qui se faisait avant, ce qui est le cas cette année. Mais on avait quand même envie de faire un clin d'œil sur le fait que notre saison, elle est pensée en acte. Ouais. Et donc, on a ce support tête bêche. Voilà, avec, un peu comme pour les personnes de ma génération qui avaient encore des cassettes audio. La face A et la face B, ouais, ou pareil pour les vinyles. Les vinyles, ça existe encore, dire, ouais, donc tout va bien, je ne suis pas si âgé. Et donc, c'est une discussion vraiment avec aussi notre équipe de graphistes. Donc, on a eu plein de pistes de titres et on est parti sur cette piste-là qui nous faisait un petit peu marrer en se disant que c'était sympa aussi dans la ville, au fur et à mesure des actes, de voir un peu les deux affiches en bisbille. Et en plus, on l'a décliné. Là, on vient de sortir un support pour les étudiants, par exemple, pour leur rappeler un peu les avantages, qu'est-ce qu'ils pouvaient trouver chez nous, les tarifs, le groupe des messagers aussi, pour nous aider à créer des murder parties, ce genre de choses. Donc, on a pris « Ici, on rigole pas » et en fait, on a juste demandé au graphiste de barrer le pas. Ah oui, okay. Qui donne encore autre chose. Encore autre chose. Donc, je suis là pour vous rassurer. On va se marrer pendant ce semestre-là, même s'il n'y a pas forcément que des spectacles toujours drôles. Et on va quand même continuer à se marrer entre janvier et juin. Il y a intérêt. On a besoin, je pense qu'on on a bien besoin de rire. Mais alors, on va commencer par rigoler un petit peu avec cet acte 9 qui va donc de septembre à décembre 2025, exactement, si je ne dis pas de bêtises, avec donc cet acte 10 qui commencera en janvier. Cet acte 9, il a donc largement débuté avec plusieurs pièces qui ont été montrées au public, donc à la manufacture. Donc ça avait débuté, je crois, avec Croire aux Fauves, c'est exactement, ça ouais, avec le livre sur la place. Ouais. Et ouais, tout à fait, en début septembre. Et la semaine dernière, on en discutait un petit peu hors micro, cette fameuse pièce, donc La Terre, adaptée d'un texte d'Émile Zola, qui a été mise en scène par l'artiste donc Anne Barbeau. Exactement. Ouais, artiste et créatrice de la manufacture. C'était un coup de cœur lumière. C'était quelque chose qu'on avait recommandé le mois dernier dans l'agenda de l'émission. Et alors, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu, en quelques mots, sur justement à la fois cette dernière pièce, mais aussi sur cet acte, sa conception, sa réception? Parce que, faut le dire, la pièce donc La Terre a été quand même un vif succès du public, en témoignant sur les réseaux sociaux des vives réactions. Oui, tout à fait. Donc La Terre, c'était une adaptation par Anne Barbeau et une de ses collaboratrices du roman du même nom de Zola, qui est un roman assez dur et assez violent, comme beaucoup de ses romans, hein, notamment sur l'aspect social et sociétal, qui en fait nous plongeait dans l'intimité d'une famille agricultrice, où le père Fouan, devenu trop vieux pour cultiver ses terres, décide de répartir sa terre en trois, puisqu'il a trois enfants, et de leur léguer chacun une partie, moyennant une petite rémunération, entre guillemets. Il les donne, mais il demande quand même à avoir le sou en échange. Et donc ce choix-là va créer un maelstrom dans la famille. Et ce qui est assez saisissant dans ce texte, qui donc a été écrit au 19e siècle, hein, et nous sommes en 2025, c'est qu'il questionne aussi le début du productivisme, la mécanisation aussi des fermes et des exploitations, tout à fait. L'arrivée du blé américain, et donc de la concurrence, et donc de l'endettement pour les agriculteurs et les agricultrices. Diable actualité, exactement. Et Anne, la metteuse en scène, qui d'ailleurs est artiste associée à la manufacture à partir de cette année pour les trois années à venir, quand elle a travaillé, donc c'était il y a 2 ans, avec son équipe à l'adaptation de ce texte, elle a eu besoin de rencontrer des paysans et des paysannes aussi en France aujourd'hui, pas forcément en Lorraine, hein, parce que sa compagnie n'est pas basée ici, mais un petit peu partout, pour échanger, en fait, aussi sur leur modèle agricole, sur les enjeux, ouais, sur voilà, ce à quoi il et elle étaient confrontés, avec peut-être une actualité, c'est aussi la question de la transmission. Mmh. Aujourd'hui, il y a plus en plus de familles agricultrices où les enfants n'ont pas forcément envie de reprendre la ferme et l'exploitation au moment où les parents s'arrêtent, ce qui crée en fait des problèmes, enfin, bien sûr dans l'enceinte familiale, mais aussi après de qu'est-ce qu'on fait de la terre, où va la terre. La question du remembrement, et on a travaillé sur ce spectacle, enfin autour de ce spectacle, on a noué un partenariat avec une association qui s'appelle Terre de Liens en Lorraine, qui est une asso nationale mais qui a une antenne donc en Lorraine. Et franchement, j'invite les personnes qui nous écoutent à regarder plus près ce qu'ils font, c'est super. Pour protéger et conserver le bio en Meurthe-et-Moselle et en Meuse et dans les Vosges, enfin vraiment sur partout, toute la Lorraine. Il faut conserver le bio. D'accompagner les agriculteurs et agricultrices qui en fait arrivent, qui sont souvent en reconversion et qui ont besoin, qui sont en acquisition de terres et qui n'ont pas forcément les moyens. Donc il y a un système de dons, d'adhésion, qui est un système classique. Mais il y a aussi un système d'épargne solidaire. On parlait tout à l'heure hors micro aussi de l'économie sociale et solidaire, ça en fait partie. Et voilà, ils sont venus voir le spectacle, ils ont été absolument enchantée. On a également eu des élèves du lycée agricole de Pixérécourt, oui, qui donc se destinent aussi, oui, à travailler dans ce milieu et à la fois le trouble que c'est d'entendre dans les mots d'un auteur du 19e ce qui peut être vécu aujourd'hui. Ce que j'allais dire, les réactions étaient quand même... Et une sorte de fatalité un peu désarmante. Ça a été un gros succès. En plus, les comédiens et comédiennes étaient formidables. Ils étaient 8 au plateau, ce qui devient rare parce que plus vous avez de monde sur scène, plus le spectacle coûte cher, évidemment. Et on n'est pas dans un environnement... la radio Fadjet le sait aussi, ouais, très propice à l'accompagnement budgétaire. Donc il y avait aussi cet aspect-là du spectacle, je pense, qui a joué dans ce très bon bouche à oreille. Un spectacle de troupe. Et donc une énergie déployée sur scène assez colossale, quoi. Ouais, vous considérez qu'à la manufacture, souvent quand il y a plus de personnes sur scène, c'est quelque chose qui fonctionne mieux au niveau du bouche à oreille? Alors, pas nécessairement, mais c'est vrai que, parce qu'on a, on a des seuls en scène par exemple, oui, un acteur ou une actrice au plateau où le bouche à oreille est identique, ça dépend à la fois de la performance, de la thématique, de, du format aussi, décor, pas décor, enfin, c'est complètement aléatoire. Mais c'est vrai que là, puis comme c'est le récit d'une famille, le fait d'avoir une troupe vraiment qui s'en empare avec... Il n'y a pas de changement de personnage. Chaque acteur, chaque actrice a un rôle qui lui est propre. Ce n'est pas, par exemple, quatre acteurs ou actrices qui vont interpréter 15 personnages. Rôles, voilà. Qui peuvent changer de costume ou autre. Donc il y a une personnification qui se fait au bout d'un moment. Même, on est au spectacle, on sait très bien que c'est pour de faux, c'est une fiction. Mais quand même. Mais ça ne nous empêche pas d'y croire. Ça ne nous empêche pas d'y croire. Pour une bonne heure ou plus. Et dans cet acte 9, donc, il reste encore quand même plusieurs pièces à voir. Je vous invite à regarder dans la programmation que vous avez évidemment ouvert en écoutant cette émission, avec des pièces qui dialoguent beaucoup, j'ai remarqué, avec l'actualité. On vient de parler de la terre qui parle évidemment et qui fait écho aux problèmes paysans qu'on peut avoir à l'heure actuelle en France. Est-ce que c'était une nécessité, ce dialogue avec l'actualité, elle qui semble parfois si incertaine? On vient un petit peu d'en parler, vous l'avez dit dans l'édito aussi, vous ne savez pas vraiment de quoi demain sera fait, et c'est quelque chose qui a été un peu relayé aussi sur les réseaux sociaux de la manufacture, avec plusieurs messages qui ont été lancés par l'équipe de direction. Est-ce qu'on peut un peu en parler justement de ce climat là? Tout à fait, je pense que c'est important de revenir dessus aussi. Ah oui, bien sûr. L'édito dont tu parles, Victor, c'est un édito qui est écrit par Julia Vidi, donc la directrice. Le lien avec... je précise ça parce que du coup c'est aussi un peu... c'est son fil rouge. C'est un peu la ligne de conduite qui est adressée à tout lecteur ou lectrice de la brochure pour comprendre aussi qu'est-ce qui est à l'œuvre quand on fait une programmation. Le lien avec l'actualité, il est là de façon constante. Sur chaque construction de saison, puisqu'on est un théâtre contemporain, et alors c'est un adjectif qui souvent fait peur, appliqué au théâtre ou à la danse ou à la musique. Et juste pour à tort, bien sûr, parce que juste pour le préciser, contemporain sous-entendu de notre époque, c'est-à-dire des artistes vivants, des auteurs, des autrices qui écrivent sur le monde actuel, qui, comme nous, vivent ce monde-là et avec leur place de poète. Et s'ils ne sont pas poètes, en tout cas avec leur place d'artiste, parce que tout auteur n'est pas forcément poète, offrent un regard. Et la scène est une page blanche, donc en fait ça permet de proposer ce partage-là de construction de regard. Après, je crois que plus que jamais, malheureusement depuis déjà un an ou deux, enfin, il y a quand même le travail est à l'œuvre depuis quelques années maintenant, mais nos services publics sont en danger, c'est une nouvelle pour personne. Et moi qui justement travaille dans cette maison depuis longtemps, vraiment je vois un virage. Ouais, t'as senti un changement d'atmosphère. Clairement, depuis 2-3 ans, où je force un peu le trait, mais c'est pas qu'on entre en résistance, parce qu'en plus on a la chance d'être à Nancy et d'être vraiment accompagné, soutenu par une municipalité, engagés par des tutelles aussi qui sont quand même à l'écoute. Et je le rappelle, on est un centre dramatique national, donc on n'est vraiment pas les plus à plaindre. On essaie d'être là aussi pour les compagnies, de partager les lieux, de mettre à disposition des équipes techniques ou au moins des espaces de répétition, d'être solidaires comme on le peut, avec les moyens qu'on a. Mais clairement, plus que jamais, il faut être là, quoi. Écoutez ce message hein, d'Émilie, c'est important. Je tenais à ce qu'on le rappelle quand même dans l'émission, allez au théâtre et d'une manière générale, cultivez-vous. Hein. C'est aussi le but de cette émission et de Fadjet aussi en général. Donc surtout, n'hésitez pas, prenez vos places, renseignez-vous parce qu'il y a des choses absolument magnifiques à voir. Et dès d'ailleurs la fin de cet acte 9, j'ai envie qu'on parle un petit peu de la fin pardon, de cet acte 9. Bah, par exemple, tous coupables sauf Thermos Grown. Ce titre, je vous le répète pour que vous voyez bien à qui nous faisons allusion. Tous coupables sauf Thermos Grown, qui se jouera du 2 au 5 décembre sur donc, la scène de la manufacture. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi consiste cette pièce qui m'a l'air tout à fait mordante et qui est du coup librement adaptée de l'histoire du célèbre PDG de Renault qui s'est enfui quelque part loin de la France il y a quelques années. Dans une malle. Dans une malle. Pour échapper au contrôle judiciaire. Tout à fait. Alors, le spectacle est en train d'être créé là. C'est d'ailleurs la dernière ligne droite pour les acteurs et les actrices qui sera créée à Strasbourg au TAPS là, la semaine prochaine. Et ok, donc on est vraiment dans l'actualité. Ouais, ouais. Nous, on est dans les starting blocks, qu'on fait partie en effet des premiers lieux de tournée. Mm. C'est un spectacle complètement... C'est une farce. Voilà, c'est vraiment une farce. Faut pas le prendre autrement. C'est burlesque, c'est absolument gourmand. La pièce a été écrite par une autrice du nom de Romane Nicolas, qui a vraiment une patte, quoi, une patte artistique, qui s'amuse avec la langue. Donc, on parlait de théâtre contemporain tout à l'heure. Ça fait partie d'un des angles de théâtre, c'est-à-dire aussi inventer un peu des langages qui vont du coup créer pour l'acteur et l'actrice qui va s'en emparer du jeu. C'est clairement le cas avec cette autrice, puisqu'elle joue avec la langue, elle invente des mots qui, par le propre fait d'être transformés, vont créer déjà du comique. Donc il y a du comique vraiment de situation. On le sent au titre. On le sent tout à fait dans le titre. Pour vous donner un exemple, par exemple, les personnages ne font pas les choses. C'est pas le verbe faire, c'est le verbe foirer. Donc au lieu de... Voilà. Voilà. Ils ne font pas du théâtre, ils foirent du théâtre. On a voilà. très vite compris l'esprit. J'espère qu'ils ne foireront pas la pièce, cela dit. Non, mais... on espère aussi. Et donc, c'est extrêmement jouissif pour les acteurs et les actrices qui n'arrêtent pas. C'est un spectacle vraiment marathon, par contre, pour eux. Ça dure 1h10, ce qui est assez court en soi. Mais ils n'arrêtent pas, surtout qu'en fait, ils sont quasiment constamment à vue. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais en coulisses. Ils sont toujours vus par les spectateurs et spectatrices. Dans un décor qu'on appelle une tournette. Donc c'est un décor qui tourne, un décor fixe, mais qui tourne pour nous présenter à chaque fois différents espaces de jeu et de situations. Et on a plus de 50 personnages qui sont interprétés par 5 acteurs, actrices. Et ces personnages peuvent avoir 4-5 répliques comme juste 2 mots. Ah oui. Par exemple, il y a des radis très en colère, ça fait partie des personnages. Il y a une sorte de Père Noël. En fait, c'est une cavale. C'est la cavale de Thermos Groen qui essaye coûte que coûte d'échapper à sa situation. Ce qu'on a pu voir un peu dans la réalité, mais détourné. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu burlesque ? Complètement. Voilà, complètement. Oui. Très coloré dans les costumes. Les acteurs, actrices vont avoir par moments pour leur personnage aussi des prothèses au niveau du visage, du maquillage. Ouais. Enfin, c'est complètement assumé, un peu avec la figure du bouffon ou de certaines caricatures. Par exemple, tu vois les portraits. Ouais, bien sûr. J'imagine très bien. On met l'accent, mais de transformer ça, du coup, dans le réel de la scène, quoi. Je pense qu'on comprend aisément, et vous aussi, cher auditeur, pourquoi on peut dire qu'on va rire quand même durant cet acte. Ici, on rigole. Avec cette pièce, par exemple, on rigole beaucoup. Dernière question avant de faire une petite interlude musicale, parce qu'une pièce a particulièrement retenu mon attention. Oui. Il s'agit du Dindon de Georges Feydeau. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière de l'acte 9 ou la première de l'acte 10. C'est la dernière de l'acte 9, avant les fêtes. Dernière ouais. de l'acte 9. Déjà parce que j'aime beaucoup Georges Feydeau à titre personnel, mais surtout parce qu'elle est mise en scène par la géniale Maryse Estier. Et Maryse Estier, c'est l'artiste qui avait mis en scène notamment Marie Stuart et L'Aiglon, qui ont été joués à la Manufacture l'année dernière, il y a 2 ans. Exactement. J'avais été personnellement voir Marie Stuart, qui était un coup de cœur de l'émission dont on avait parlé l'année dernière et qui se distinguait par une mise en scène moderne. Je ne sais pas vraiment si on peut parler aussi de décor en tournette, comme on l'a évoqué pour la pièce précédente, mais j'ai envie de dire un petit peu de manière intemporelle aussi. Oui. Est-ce que ça sera un petit peu la même chose avec ce nouveau rendez-vous ? Alors, la temporalité, non, puisque clairement, dans le choix qu'a fait Maryse, et d'ailleurs Maryse, comme Anne Barbeau, est artiste associée à la Manufacture là, pour les 3 Toujours années à venir, elle a fait le choix d'implanter le décor en Suisse, à Genève, avec donc des personnes, a priori, qui n'ont pas trop de problèmes d'argent. Et dans le travail des éléments de décor, des accessoires et des costumes, surtout des costumes, de reprendre des codes de la haute couture des années 50 aux années 80, à peu près. Ça, avec ça aussi du mobilier un peu 50s, etc. Donc, la place de l'imaginaire Et beaucoup plus réduite que sur un spectacle comme Harry Stuart, où en effet on avait ce décor fixe qui tournait certes, mais sans autre agrément. C'est vrai. Alors que là, c'est très réaliste. Et ce qui est assez chouette dans l'adaptation que fait Maryse de cette pièce, c'est que bon, non seulement elle s'amuse bien sûr avec le texte de Feydeau qui a été légèrement adapté par de sa part et celle de Clémence Longy, qui était déjà dans Marie Stuart, qui était aussi dans L'Aiglon, qui a joué dans Tudor toute seule aussi, un seul en scène qu'on avait accueilli, qui est absolument formidable. Elles ont fait des coupes pour aussi rendre la pièce un tantinet plus moderne, mais sans la défigurer, non, ben voilà, sans la transformer non plus, en étant fidèle à l'auteur, avec la volonté quand même de questionner la notion de consentement. Parce que le début du dindon, c'est un personnage qui s'appelle Pontagnac, en fait, qui flash sur Lucienne. Et en fait, il va la suivre et s'introduire de force chez elle. Et quand il arrive chez elle, il se rend compte qu'en fait, c'est la compagne d'un de ses meilleurs amis. Ce qui est un peu bizarre de pas savoir avec qui son meilleur ami vit dans la vie. Et dans le spectacle, là où dans la pièce de Feydeau, je crois que ça commence dans un salon. Là, dans l'adaptation de Maryse, on est dans une salle de bain. Et en fait, Pontagnac va s'introduire par les toilettes. Donc tout de suite, on va rire aussi. On est dans quelque chose qui pourrait être graveleux, mais ne l'est jamais. Pourrait être vulgaire, mais ne l'est pas non plus, parce qu'en fait, c'est vraiment contrôlé par la langue. Enfin, la langue amène ça, hein, vraiment. On est quand même, Feydeau, c'est un vaudeville, c'est une comédie populaire qui repose aussi sur des blagues plus ou moins vaseuses, etc. mais elle a travaillé le spectacle d'une certaine façon qui est, par exemple, dans ses anciennes pièces, il y a toujours la place au rêve. Il y a de l'onirisme un peu partout dans les spectacles de Maryse, et là c'est le cas, mais plutôt vers le cauchemar. Alors, c'est pas du tout un spectacle d'horreur, pas du tout, mais elle reprend les codes un peu de l'angoisse de façon insidieuse, par la musique, par des éléments de décor qui vont changer, ça et là. Soudainement, la végétation va arriver dans un décor, a priori, elle n'a pas du tout sa place, pour envahir un petit peu. Les personnages sont contraints par leur costume. Enfin voilà, il y a quelque chose un peu invasif qui arrive petit à petit et qui va nous montrer qu'à la fois, on se marre, et en même temps, il y a des trucs, c'est pas forcément OK, quoi. C'est pas forcément très marrant. Et finalement, des fois, on rigole d'avoir eu peur, quoi. On rigole de situations où on se dit « oulala, où est-ce que ça va ?» C'est que ça semble quand même être un très très beau programme que cette pièce donc, de Maryse Estier qui s'intitule donc « Le Dindon » qui est une adaptation dans le texte et au théâtre donc du Dindon de Georges Feydeau. On va se retrouver dans quelques minutes sur Fadjet pour continuer, pour poursuivre cette discussion et je crois qu'on va plus du tout rire avec cet acte 10 qui arrive qui arrive juste après cette petite interlude musicale. Promis, c'était dans la programmation de la manufacture, dans la récréation. C'est Toxic de Britney Spears. On se retrouve juste après sur Fadjet avec Emily. À tout de suite. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. retour donc sur Fadjet, c'est l'émission Éclat de lumière du mois de novembre et je suis toujours avec Émilie du Théâtre de la Manufacture, directrice donc du public, du lien avec le public, c'est ça. J'ai toujours du mal. Parce que c'est un titre à rallonge. Directrice du développement des publics. Des publics. Et bah, on a un petit peu rigolé durant la première partie de l'émission, mais là on va plus rigoler du tout, Émilie, puisqu'on passe donc à l'acte 10. Ici, vous ne rigolez plus. Non, on se marre plus, c'est fini. Mais pourquoi? Et pourquoi surtout pas l'inverse? Nous aurions pu pleurer au cœur de l'hiver alors qu'il fait froid, qu'il n'y a plus de lumière, et rire une fois les beaux jours qui arrivent. Mais non, le théâtre de la Manufacture nous prend à contre-pied et décide de nous faire pleurer pour le printemps. Alors pourquoi? Bah déjà parce que quand il fait moche, on aime bien rigoler, quand même. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Et que en fait, on va quand même continuer de rigoler à l'acte 10. Je parlais d'un pied de nez tout à l'heure, c'est vraiment ça. Hein. On a des spectacles, par exemple, on fait une choralisation avec le CCM qui est Comment Nicole a tout pété, qui est une fresque sur le climat par un fou, fou dans le sens génie, hein, qui est Frédéric Ferrer, qui est géographe de formation et qui fait du théâtre maintenant depuis plusieurs années sous des formats conférences. On a le Mauvais Sort en janvier, qui est un cabaret sur la maladie d'amour avec quatre acteurs-actrices qui sont absolument saisissants, qui va être créé là au Théâtre des Trésors à Montpellier en décembre. On va avoir La Moindre des Choses, je crois qu'on en parle tout à l'heure, oui. Mais je ne vais pas développer. Mais on a Micropolis aussi, avec un spectacle de la même autrice que Tout Scoop Up Sauf Thermos Grown, de Romane Nicolas. Donc non, on va quand même continuer à se marrer, je vous rassure. Par contre, oui, il est vrai qu'il y a des spectacles sérieux, enfin des sujets en tout cas sérieux abordés, dont on pourrait d'ailleurs tout à fait rire. Hein. C'est pas parce que c'est grave qu'on ne peut pas en rire. Enfin, en tout cas, ça peut faire débat, ce que je suis en train de dire, mais je pense que c'est bien de débattre. Mais par exemple, on a deux spectacles que sont La Part Sombre et Le Silence de Claire Lagrange, qui tous deux, avec un angle complètement différent et singulier, vont traiter de la santé mentale. Le premier raconte l'histoire d'une femme qui se découvre en fait schizophrène après la naissance de son enfant, et qui vraiment relate la découverte de la maladie et ce que ça va provoquer dans ses rapports sociaux, familiaux, le tsunami en fait que c'est, et l'accompagnement aussi par les équipes médicales, enfin tout ce que ça vient changer dans une vie en fait. Le deuxième, quant à lui, va s'intéresser plutôt à l'immobilité, c'est-à-dire une femme qui en fait se retrouve sévèrement médicamentée après une crise psychotique et qui va trouver refuge dans l'art. Et qui va se mettre à peindre. Elle est dans une forme de mutisme, mais elle va peindre. Et là, par exemple, tous les personnages autour d'elle sont extrêmement touchants et drôles par leur naïveté, leur candeur, quoi, la candeur aussi de leur vulnérabilité. Donc évidemment, ça, c'est des sujets très importants, donc on amène peu d'ailleurs sur scène. J'allais dire, ouais, c'est des éléments desquels on parle relativement peu lorsqu'on va au théâtre, mais c'est aussi pour ça que l'on va au théâtre, pour aborder ces sujets-là, et puis pour un petit peu être à la fois instruit, puis pour être un petit peu plus ouvert. En tout cas, je pense que la plupart du public, c'est pour ça aussi qu'il s'y rend, à mon avis. Oui. Est-ce que je peux compléter? Est-ce que j'ai 30 secondes pour compléter? Bien sûr, bien sûr. C'était juste pour dire, parce que souvent, même nous, en termes de com', on n'a pas le choix, on ramène souvent un spectacle à sa thématique. Et parfois, on peut se dire, ah ouais, non, mais un spectacle sur la santé mentale ou sur les violences conjugales ou sur si j'ai pas envie ou non, au secours. Enfin, voilà, oui, j'ai envie de me divertir. Mais ça reste divertissant. Je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça. Et tu parlais tout à l'heure de risquer le théâtre. Et c'est marrant que tu le dises, que c'est aussi les mots de Julia pour cette année. Le théâtre, vraiment, est un risque à prendre. On en est bien conscient et consciente. Mais il y a des surprises. Et en fait, il ne faut pas oublier que ce sont des artistes et qu'en fait, on peut aussi aborder des sujets qui sont difficiles par une forme qui fait que tout d'un coup, on va être cueilli, saisi, bouleversé dans le bon sens, en fait. C'est bien de ne pas faire semblant. Mais je pense que nous souhaiterions tous risquer le théâtre. Mmh. En tout cas, je parle au nom du magazine et de moi-même. Nous risquons le théâtre. Et puis, on parle de ne pas rigoler de sujets sérieux, mais on va quand même un petit peu sourire pendant cet acte, oui. 10, avec cette création partagée de Georges Rouge Carassa, qui est intitulée La Moindre des Choses, Variation sur le bonheur. Alors c'est en mai, mais je crois qu'il est important de revenir un petit peu sur le processus justement de création de cette pièce. Une création partagée. Alors c'est pas Georges, c'est Geoffrey, mais ça le fera beaucoup rire. Quelle erreur de ma part. Il s'en offusquera pas. Et Geoffrey, il se trouve, est notre troisième, enfin on en a quatre, mais du coup c'est un des troisièmes artistes associés aussi au théâtre pour les trois années. Donc on va vraiment les retrouver, ces trois figures-là. Et en effet, la création partagée, c'est un projet qui existe depuis 4 ans maintenant, qui est confié chaque année à un artiste ou à une artiste de la saison pour créer un spectacle. Donc à l'heure où on se parle, il n'existe pas et il va être vraiment créé en mai sur les planches du théâtre. Mais c'est un one-shot. Il va y avoir 3 représentations et après, il n'y a pas de tournée. C'est vraiment une aventure humaine sur une saison. Surlignez-le. Allez-y. Avec des habitants et des habitantes de Nancy. Ça avait intrigué le public à la présentation. Oui. À laquelle nous étions. Ah, bah oui. Ouais, c'est un des temps mystérieux. C'est un mystère parce que c'est vraiment. En fait, c'est de la fabrication avec et pour de l'humain, quoi. Donc, il peut se passer plein de choses. Là, pour le coup, ça va commencer en janvier. Donc, de janvier à mai, l'artiste va avoir 1 à 2 week-ends par mois au théâtre avec un groupe de 16-17 personnes amateurs, amatrices qu'on est en train de recruter. Là, il y a un appel à candidature qui est en cours. Et qui peuvent participer de façon totalement gratuite. On va avoir un groupe de lycéens, lycéennes volontaires sur la deuxième semaine des vacances de printemps. On va travailler également avec pour l'instant, ce sont que des femmes. Peut-être aurons-nous des hommes qui sont en résidence autonomie senior de Pichon et d'Onop à Nancy. Et puis avec une chorale gospel. Et en fait, ces 4 groupes vont participer, écrire, jouer, lire. Enfin, pour l'instant, ça n'a pas encore démarré, avec 3 artistes différents. Un peu comme des pièces de puzzle. Chacun va répéter un peu dans son coin. Et puis, une semaine avant la création du spectacle en mai, vont se retrouver pour la première fois tous et toutes ensemble. Donc, ça représente 45 personnes. Ah oui. La scène du théâtre pour assembler les pièces du puzzle et en faire... un spectacle vraiment accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, on a un tarif unique qui est un tarif à 8 euros, qui est vraiment en deçà de nos grilles tarifaires habituelles pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre aussi, quoi. Ça promet quand même 45 personnes pour au final créer un spectacle. Surtout, ne le ratez pas parce que, on le répète, si vous nous rejoignez en cours de route, c'est un spectacle qui n'ira pas en tournée. C'est 3 représentations uniques. Donc surtout, ne ratez pas ça. Dans cet acte 10, la jeunesse, elle est aussi représentée avec une pièce qui s'intitule « Là, quelqu'un ». Pourquoi c'est important pour vous de parler à la jeunesse ? Eh bien, parce que on peut se dire, juste avec la lorgnette du théâtre, que ce sont aussi les spectateurs et les spectatrices de demain, mais parce que ça offre un autre espace, je pense, de dialogue et de découverte du monde que les enfants peuvent avoir par ailleurs, par la lecture, la musique, le sport... la télévision aussi pour certains, avec une expérience humaine, l'expérience du collectif. Et c'est quand même quelque chose de vivre et traverser des émotions entourées de personnes pendant 1 heure de temps, qui regardent dans la même direction et à chaque fois avec un moment qui est unique, parce que même si c'est le même spectacle, c'est les aléas du spectacle vivant ou du direct aussi pour vous à la radio. Il peut se passer des choses. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et ça nous arrive souvent. Voilà. Et de leur donner en tout cas accès à des histoires un peu différemment que ce qu'ils pourraient lire ou entendre par ailleurs. Afin que les enfants risquent le théâtre, eux aussi aient un espace pour ça. Ça se déroulera donc fin janvier. Oui. Pour terminer de décortiquer un petit peu cette programmation de la manufacture, est-ce que tu as une pièce, une recommandation personnelle dont nous n'aurions pas parlé pendant cette grosse demi-heure de discussion ? Eh bien, parce que c'est vraiment l'actualité du moment. On accueille la semaine prochaine, donc de mardi 18 à vendredi 21 novembre, l'équipe d'Adrien Béal. Donc c'est une troupe de 6 acteurs-actrices qui viennent pour un spectacle intitulé « Dialogue avec ce qui se passe », qui est un défi pour l'auteur Nicolas Douté et le metteur en scène d'avoir réussi l'exploit de représenter le temps, donc le concept du temps, de façon palpable sur scène, à partir vraiment d'une anecdote, un personnage, Alice, qui en fait voulait écrire à son neveu lundi, et se rend compte qu'elle a complètement oublié son idée et du coup on a ces personnages à côté, Sol et Nola, qui vont aider à retrouver ce qu'elle voulait dire à son neveu et tout le monde se met à l'œuvre comme ça au plateau. C'est vraiment, ça part d'un fait anecdotique et c'est extrêmement profond sur notre rapport au temps à une époque où en fait on est dans des enjeux temporels en permanence C'est extrêmement réussi et c'est assez esthétiquement c'est assez intéressant la manière on est un petit peu à la croisée de Alice au pays des merveilles dans, enfin oui j'allais dire pas trop dévoiler le lien mais le lien semble quand même assez évident avec Alice au pays des merveilles ouais. et son rapport au temps bah ça promet en tout cas moi en tout cas ça m'a donné envie j'espère que tu auras donné aussi envie aux auditeurs de Fadjet de se rendre la semaine prochaine au théâtre de la Manufacture. Merci beaucoup Émilie bah, merci pour, à tous les deux bah mais de rien et puis on espère vous voir très nombreux. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Manufacture ou en billetterie. Soutenez le théâtre, soutenez le spectacle vivant, c'est très important. Mais de toute façon, tu restes avec nous pour la fin de cette bien émission, sûr. Puisqu'on va passer aux petites recommandations personnelles. Et désormais, vous en avez l'habitude, c'est le moment de l'agenda de Fadjet que l'on va Lumière, excusez-moi, que l'on va présenter tout de suite avec Gilles. C'est donc l'heure de l'agenda local tout d'abord. L'agenda local d'Éclat de Lumière. Gilles, il me semble que tu as été voir et qu'une très belle expo a débuté à Nancy aux Beaux-Arts sur l'Art déco qui se tient depuis le 5 novembre et ce jusqu'au 1er mars 2026. Est-ce que tu peux en dire un petit mot parce qu'il paraît que c'est absolument magnifique? Oui, très, très succinctement, c'est une exposition absolument incroyable. Le public, les invités qui étaient là pour la présentation étaient bluffés quelque part. Vraiment, c'est le terme qui convient parce que les œuvres qui sont proposées dans la thématique, puisque le titre général, donc Nancy 1925, c'est absolument incroyable ce qui est proposé. En plus, il y a on peut dire que c'est une muséographie qui est plus une scénographie qui est formidable. Il y a vraiment un côté théâtral quand on parcourt les différents espaces avec des objets de très très belle qualité. Alors c'est quelque chose qui n'est pas évident forcément à décrire. Il faut aimer cette période bien sûr de l'art déco. Hein. C'est le critère un peu esthétique premier. Et en définitive, on a des matières, des structures, des couleurs. Il faut vraiment voir cette exposition. On a la chance qu'elle dure sur quelques mois, ce qui est une très bonne nouvelle pour le public bien au-delà de Nancy en Grand Est. Et c'est un événement qui a eu le label au plan national du ministère de la Culture. Il faut le souligner parce que c'est vraiment percutant, original. Et puis certaines œuvres ont failli être détruites à cette époque-là. Elles ont été conservées, on a une présentation de très belle qualité. Et finalement, ça en soi, ça consiste en un événement déjà, en lui-même. C'est donc une très belle exposition donc, qui dure, qui a commencé ce 5 novembre et qui dure jusqu'au 1er mars 2026. Donc ne ratez pas ça, c'est au musée des Beaux-Arts de Nancy. Un mot également peut-être du magazine, parce qu'on ne vous en a pas encore parlé, mais Lumière en Art va sortir donc un magazine dans les semaines à venir. Oh, c'est même plus rapide que ça, puisque... Au moment de la diffusion, oui, effectivement. Voilà, la diffusion, on a testé avec un numéro zéro pour voir ce que ça donnait par rapport au public différent qu'on vise. C'était un sacré défi. C'était pas du tout évident parce qu'on voulait faire des rubriques pour tous les goûts, qui plaisent à tout le monde, à tous les publics, encore une fois. Et on a surfé sur la fin de l'événement qui était NJP. Et donc, voilà, ça a été très très bien parce que le numéro de test pour voir est parti, bon, la formule n'est pas forcément élégante, mais elle est un peu triviale comme des petits pains. Et on est en train de préparer déjà le vrai numéro 1 qui lui va être sur une diffusion très très massive. Et il y a en tout cas un vrai engouement parce que pour nous c'était un pari, on en avait parlé dans l'équipe il y a déjà un an. Il y a quelques mois, puis on a décidé de faire le pas cet été. C'est une structure légère, mais c'est un travail passionnant. Il reste quand même très prenant. Victor le sait bien, parce qu'il a contribué à l'écriture de quelques articles dans les musiques actuelles, notamment. Si vous n'en avez pas assez avec nos voix, vous pourrez nous retrouver à l'écrit dans ces magazines qui seront publiés de manière régulière. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux afin donc d'être tenu au courant de la diffusion de ces magazines et de comment cela se passera dans les mois à venir. Et très succinctement, avant avant qu'on passe aux recommandations culturelles donc d'Émilie pour la fin de l'émission, est-ce que on pourrait avoir un petit mot donc des vitrines commerçantes de Nancy et de la foire d'automne qui ont déjà commencé et qui vont commencer? Alors plusieurs choses. On était partenaires et ça a bien fonctionné parce qu'on tenait au côté un peu festif, ludique, esprit fête foraine familiale pour les enfants au Parc de la Pépinière. C'est donc jusqu'au 16 novembre, foire d'automne. C'est toujours sympathique d'avoir un événement comme ça et ça change de ce qu'il y a dans les autres villes du Grand Est. Donc ça, c'était un petit plus vraiment parce qu'on tient aussi à cette démarche de s'adresser à tous les publics. C'est important. Les vitrines de Nancy, on a eu l'occasion déjà d'échanger avec eux puisque les festivités de Saint-Nicolas vont durer 45 jours. Le top départ va être donné bientôt. Donc 21 novembre et tout doucement les choses vont se mettre en place. Alors nous on est très sensibles à ça parce qu'il y aura beaucoup d'événements où on pourra s'immerger avec des spectacles de rue. Il y a une quarantaine de compagnies, donc on aime bien ce type d'art en théâtre de rue parce que ça va être assez puissant et puis ça touche un très très large public bien au-delà de Nancy. Donc des festivités qui seront à retrouver, on en parlera longuement sur tous nos supports, puisque maintenant tout l'aspect digital et nos réseaux sociaux sont complétés par le support papier, donc ça va être vraiment passionnant. Merci beaucoup Gilles donc pour cet agenda local, et puis il est l'heure à présent de passer à la dernière partie de cette émission. Vous avez pour habitude, on l'a vu, on l'a surtout entendu à travers la musique durant cette heure passée à vos côtés, de proposer des recommandations culturelles dans les fascicules de la manufacture. Et nous aimons beaucoup sur Fadjet proposer des recommandations et des éclairages culturels à nos lecteurs. On va donc vous poser quelques questions pour voir un petit peu ces recommandations, quelles sont tes derniers coups de cœur dans différents domaines. C'est l'heure donc de l'interview coup de cœur. Alors, on va commencer très simplement. Quel est le dernier livre que tu as lu ou quel est ton livre de chevet si jamais tu n'as pas lu récemment de roman? Alors, j'ai fait une entorse à la règle. J'ai choisi que des choses que j'avais détestées. Non, alors, à mon chevet, j'ai une pile de 7 bouquins en attente. Donc, je fais vraiment ma mauvaise élève. Ça, c'est le cas des gros lecteurs, voilà. Ça, je reconnais. Mais et pourtant, je ne suis pas une grosse lectrice, mais j'ai des petits coups de cœur. Et donc, je me dis, OK, celui-là, je le prends. Puis après, OK, ça, la liste pardon, ne descend pas. Non, le dernier bouquin que j'ai lu, c'est Tant que le café est encore chaud. Voilà, qui est un bouquin, c'est pas vraiment de la SF, un peu d'anticipation d'un auteur japonais qui s'appelle Toshikazu Kawaguchi, voilà, qui se lit très bien, qui est vraiment, ça nous fait voyager en très peu de temps, voilà, que je pense pouvoir recommander vraiment à tout type de lecteur ou lectrice. Une exposition ou un spectacle vivant que tu aimerais recommander à nos auditeurs? Là, franchement, d'avoir entendu Gilles sur l'expo aux Beaux-Arts, ouais, hein. Ça m'a vraiment donné envie de la faire et de la suivre. Et puis, j'aime beaucoup la programmation, pour le coup, du Musée des Beaux-Arts. Ouais, je trouve qu'on a vraiment la chance d'avoir cette directrice. Donc, effectivement. Je vais dans les petits chaussons de Gilles. Le dernier film que tu es allé voir au cinéma ou que tu as vu, pas forcément au cinéma, mais en général. Alors au cinéma, c'était cet été, parce que malheureusement j'ai pas le temps comme je voudrais d'y aller fréquemment. C'était Brief History of a Family, qui est un film chinois. Ah oui. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis allée voir ça sans trop savoir avec une amie. En gros, ça passait à l'heure où ça, on était niche, dispo. Ouais, ça, c'est niche. Et c'était vachement bien. Ce thriller un peu familial, comme ça, c'était super. Ouais, il paraît qu'il est vraiment top. Il faut que je très esthétique aussi. Tu as esthétisé. Ouais. Enfin, c'est vraiment des très très belles images. Ouais, j'ai vu quelques images et la bande-annonce. Ouais. Effectivement, ça donne envie d'aller voir. Une série, un documentaire à recommander? Alors, c'est pas de première jeunesse, mais vraiment, je pense que moi c'est effectif, c'est Le Bureau des Légendes. J'ai adoré cette série. Voilà. Effectivement, c'est un classique, mais c'est un classique à toujours revoir. Voilà, exactement. Le dernier coup de cœur musical, album, un morceau. C'est une harpiste qui s'appelle Sophie Solivo, dont je ne pourrais pas recommander d'album ou de morceau précis, mais que j'ai eu connaissance là il y a une dizaine de jours. Je connaissais pas du tout ni son travail, ni sa musique, ni qui elle était. Et j'ai écouté un live, à Chantilly, je crois, en Suisse. Coup de cœur. Formidable musicien avec elle, choriste, enfin vraiment très très chouette. C'est noté pour les futures playlists de l'émission. Et pour terminer, appel du pied à NJP pour la programmation 2026. C'est noté, on fera passer le message. Et pour terminer, un roman graphique, un manga ou une BD? Oui, le dernier de Jérémy Moreau, Alit, sur les crapauds accoucheurs. J'adore ce... Vraiment, je recommande Jérémy Moreau, c'est magnifique. Le titre, rien que le titre, ça annonce déjà toute une très jolie programmation. Nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à remercier tout d'abord mon chroniqueur Gilles pour avoir annoncé donc l'agenda et avoir participé à l'émission, mais aussi donc à remercier surtout Émilie qui nous a accompagnés durant toute cette heure pour décrypter un petit peu l'acte 9 et l'acte 10 de la manufacture. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la manufacture, que ça soit sur la billetterie en ligne, sur la billetterie physique. Allez au théâtre, risquez le théâtre, vous verrez, ça fait énormément de bien. Je vous rappelle que vous pouvez écouter cette émission en podcast sur donc le site de Fadjet pour la réécouter en replay après sa diffusion, mais aussi donc sur nos différentes plateformes, que ça soit donc sur les deux Facebook, Lumière en Art et Lumière en Art officiel, mais aussi donc sur la page Instagram, le TikTok du magazine, le site officiel du magazine donc Lumière en Art, mais bientôt surtout en papier, et c'est une nouvelle qui me réjouit beaucoup de retrouver bientôt ce magazine en papier. Quant à moi, je vous retrouve au mois donc de décembre pour avoir nos petites recommandations de Noël, nos cadeaux, qu'est-ce qu'il faut acheter pour cette période. Nous décrypterons un petit peu ça le mois prochain. Surtout sortez, cultivez-vous à Nancy et dans toute la France. À bientôt. Ciao.